Chapitre 10. Le collier du Maharaja. 4 jours s'étaient écoulés depuis la journée mouvementée, avec une rapidité vertigineuse, avait précipité Jim dans leur tourbillon. Tout Guildford avait assisté à l'enterrement de Miss Esther Bell, sur la tombe de laquelle Jonathan Smith avait prononcé le discours le plus solennel de sa vie. La fin tragique de la célèbre autoresse avait provoqué un vif émoi dans la presse, et ses œuvres jouissaient d'un renouveau inouï. La première édition de la Croisade du Chevalier était déjà épuisée. Personne encore ne se doutait du lien entre le drame mystérieux de Queen's Road et l'enlèvement des collectionneurs. Jim avait préféré, pour des raisons à lui, ne pas révéler que l'infirmière qu'il avait vue entrer dans l'appartement avait été la Contessina et Miss Edith Fairfax. Par acquis de conscience, Jim téléphona à Leeds et apprit avec un inexprimable soulagement que le sarcastique inspecteur de Scotland Yard avait quitté Londres, appelé par une affaire urgente. Le mystérieux Jacobs n'avait plus reparu. May Smith venait d'être transportée dans le petit cottage de Guildford. Elle n'était sortie de son évanouissement que pour tomber dans un sommeil léthargique. Sa blessure guérissait rapidement, mais l'état général se ressentait du choc nerveux qu'elle avait subi. Jim vivait dans l'attente du moment où il lui serait permis de la revoir. Bien qu'il fût peu probable que les coups sanglants eussent été portés par la main de la Contessina, Jim était torturé par le remords. Il avait le sentiment angoissant d'avoir, par sa soif d'aventure et son défi au destin, attiré sur May la fatalité. Ne tenant plus à Londres depuis qu'elle avait quitté l'hôpital, il se rendit à Waterloo Station pour gagner Guildford et, n'osant pas troubler la paix du petit cottage, se dirigea vers le bureau du chef constable. Monsieur Price, le directeur de la National Provincial Bank Limited, vient d'entrer chez le chef, sir. Mais je vais vous annoncer quand même, déclara Jenkins. Un instant après, il introduisait Jim dans le bureau où Monsieur Price, le plus vieux banquier de Guildford, était installé dans un fauteuil en face du chef constable. « Monsieur Price, je vous présente mon frère, James Joy, » déclara celui-ci. « Je n'ai pas de secret pour lui. »« Parfait, » dit le banquier en serrant la main de Jim. « J'en suis d'autant plus heureux que Monsieur Joy, à ce que je sais, a pris part à la terrible affaire qui a mis en deuil notre ville. Sa perspicacité notoire, et pour ainsi dire professionnelle, nous sera d'un grand secours. » Jim, qui depuis quelques jours éprouvait une certaine aversion pour le rôle de détective privé, s'inclina sans souffler mou. Il se tenait sur ses gardes. « Dois-je comprendre, dit Jonathan Smith, que la communication que vous désirez me faire, Monsieur Price, a trait au crime sinistre et mystérieux que vous venez de mentionner ?»« Précisément, Monsieur Smith. Mais... » Le banquier tout sauta. « Je dois attirer votre attention sur le fait que ladite communication ne porte en aucune façon un caractère officiel. Je viens ici à titre privé. Je viens, pour ainsi dire, d'ami à ami, d'honnête homme à honnête homme. Voilà 38 ans, Monsieur Smith, que j'ai l'avantage de diriger la National Provincial Bank Limited à Guildford. On voit à 15 que vous exercez dans notre ville les fonctions de chef constable avec probité, honneur et dignité. Cet éloge, dans la bouche du plus ancien et du plus honorable citoyen de Guildford, comptera parmi les plus belles récompenses de ma périlleuse carrière, répondit Jonathan Smith. Je n'ai donc pas besoin, Monsieur Smith, de vous spécifier que les informations que je crois de mon devoir de vous donner doivent rester strictement entre nous. Le banquier tout sauta de nouveau et continua. Vous savez sans aucun doute que la fortune assez considérable de votre pauvre tante, Miss Sarah Smith, dont le sort reste dans l'ombre d'un mystère tragique, se trouvait en dépôt à notre banque. « Se trouvait ?» répéta Jonathan Smith. « Je dis bien « se trouvait ». Étant donné que depuis le déménagement de Miss Smith à Londres, elle ne s'y trouve plus. Miss Smith a estimé qu'il lui serait plus commode, habitant Londres, de déposer son capital dans une banque londonienne. Il est inutile maintenant de chercher à établir dans quelle proportion cette décision de la pauvre dame et cet abandon de toutes les traditions de sa ville natale a contribué à la conduire où elle est maintenant. C'est-à-dire probablement au tombeau, murmura Jim. Vous l'avez dit, si toutefois ces bandits lui ont accordé le luxe d'une sépulture. Quoi qu'il en soit, la fortune de Miss Smith ne se trouve plus chez nous, mais à la Middlesex Company, à Londres. Son testament, je me rends parfaitement compte qu'en vous donnant ces renseignements, je transgresse les lois de la discrétion professionnelle, mais il y a des cas où le devoir moral est plus impérieux que les règlements. Son testament, donc, est resté tel qu'il a été rédigé il y a 12 ans. Je l'ai signé en qualité de témoin et il se trouve toujours chez le notaire Waynes de notre ville. D'après ce testament, l'héritier unique de Miss Sarah Smith est son neveu, Jonathan Smith, ici présent. Le chef constable poussa un discret soupir de soulagement. Mais, ici le banquier fut saisi par une quinte de toux, j'ai appris de sources sûres, entre collègues, vous savez, il y a des choses qu'on ne se cache pas, que dans le courant de ces 2 dernières années, Miss Smith, par des chèques successifs, a retiré de sa banque presque tout son capital. Il ne reste actuellement à son compte courant que quelques centaines de livres. Jonathan Smith ouvrit et referma la bouche à plusieurs reprises, se raidit, ajusta machinalement son lorgnon et ne dit rien. « J'ai toujours estimé, ajouta M. Price, que le fait de retirer son argent de la National Provincial Bank Limited était une preuve d'égarement mental et devait être nécessairement suivi d'autres catastrophes. Ainsi, cet autre drame qui vous toucha également de près. Miss Legge, la tante de votre épouse, s'il vous en souvient, fut assassinée peu après avoir retiré de nos coffres-forts le fameux collier. Quel collier ? Demanda Jonathan Smith d'une voix blanche. Il avait renoncé à comprendre. Ce fut le tour du banquier de le considérer bouche bée. « Je vous demande pardon, monsieur Smith. Vous m'avez demandé quel collier ?»« Oui, monsieur Price, je vous ai demandé quel collier. »« Mais vous saviez pourtant que Miss Marianne Legge possédait un collier de perles d'une valeur inestimable ?»« Non, monsieur Price, je ne le savais pas. »« Cependant, vous devez connaître l'histoire du collier des Legge. » »« Non, je ne connais pas l'histoire du collier des Legge. » »« Mais votre femme, » cria presque le banquier écarlate, « votre femme est l'héritière du collier de sa famille. » « Ma femme, dit Jonathan Smith, en se redressant de toute sa hauteur, n'a hérité de sa famille qu'un nom sans tache et une honnêteté sans reproche. » « Monsieur Smith, déclara le banquier en s'épongeant le front, voilà la plus grosse surprise que j'ai eue dans ma vie. Miss Legge n'a donc pas légué à sa nièce un collier de perles ?» Aucun collier. Et l'on ne l'a pas retrouvé, parmi ses effets, dans ce cottage de Farnham ? Vous savez bien, monsieur Price, que tous ces bijoux, de même que l'argent qu'elle était allée ce jour-là chercher dans votre banque, ont été dérobés par le maraudeur qui l'a tué. Dans ce cas, déclara le banquier, le collier a été volé avec le reste. L'assassin ne convoitait pas, comme nous le croyons, quelques misérables dizaines de livres, mais des millions. Des millions ? « Monsieur Price, dit Jim, qui voyait que le quiproquo menaçait de s'éterniser, pourriez-vous avoir l'obligeance de nous expliquer toute cette affaire, à partir du commencement ?»« Il le faut, dit le banquier, je crois qu'il le faut. Écoutez-moi, monsieur Smith, le grand-oncle de Miss Marianne Legge, c'est-à-dire l'arrière-grand-oncle de votre épouse, était, comme vous le savez peut-être, colonel dans notre armée des Indes. Il a eu l'occasion, dans des circonstances extrêmement romanesques, de sauver la vie d'un maharaja. Peu de temps après, il se mariait, et le maharaja reconnaissant offrit à sa jeune femme, comme cadeau de noces, un magnifique collier, 3 rangs de perles roses, dont chacune valait une fortune. Parée de cet ornement sans prix, la jeune femme partit avec son mari pour Bumali, où se trouvait sa garnison. Ils étaient presque arrivés, quand, de l'épaisseur d'un buisson, au crépuscule, une flèche partit. Elle atteignit au cœur la jeune mariée qui mourut quelques instants après. La flèche était empoisonnée. Le colonel Legge savait quelle main l'avait lancée. Pour sauver le Maharaja, il avait dû tuer le fils d'un prince indigène, ennemi de l'Angleterre et du souverain qu'il était chargé de protéger. Le prince s'était vengé. Peu de temps après, le colonel fut tué, ou plutôt, il se fit tuer au cours d'une bataille contre les hindous révoltés. Il légua le collier à son frère, le grand-père de Miss Legge, en lui recommandant la prudence. Dans une lettre posthume retrouvée sur son corps, il disait « Je n'oublierai jamais que j'ai vu ces perles fatales sur le cou de ma femme assassinée. Elles sont le prix de sa vie. J'en ai horreur. Faites-en ce qu'il vous plaira, mais je vous conseille, car elles portent malheur, de n'y recourir qu'en cas d'extrême besoin, et de ne pas défier le destin par cette richesse qui n'est pas pour nous autres. » Monsieur Legge obéit. Il ne révéla à personne l'existence du collier, excepté au notaire Waynes, grand-père de notre Waynes, et à mon propre grand-père, fondateur de la National Provincial Bank Limited. Monsieur Legge déposa le collier dans un coffre-fort, et seulement quelques années après, alors que la nécessité le lui imposait, il fit vendre une perle qui lui rapporta une somme inestimable. Plus tard, il en vendit encore deux pour doter sa fille et installer son fils. C'est grâce à la dot de Miss Dorothy May, constituée par la vente d'une perle, qu'elle a pu subsister en Amérique avec son mari. Pour aider Monsieur Quaker à un moment critique, Miss Marianne vendit encore une perle. Mais elle-même n'a jamais touché un sou à part sa petite rente. « Cela me suffit, Monsieur Price, » me disait-elle. « Je ne veux pas recourir à ces perles sanglantes. » La tradition de la famille était de léguer le collier au fils ou à la fille aînée qui gardait ce secret pour lui en le consignant dans son testament. Miss Dorothy May, ou plutôt Madame Quaker, n'en a rien su puisqu'elle est morte la première avant Miss Marianne. Mais cette dernière a dû faire un nouveau testament en faveur de sa nièce, Miss May. Miss Marianne, interrompit Jonathan Smith, a retiré son testament de chez Monsieur Waynes 3 semaines avant sa mort. On ne l'a pas retrouvé. Elle a dû le supprimer. C'est-à-dire qu'elle a retiré son testament en même temps que son collier? Mais pourquoi? Jonathan Smith leva les bras au ciel. Dieu seul le sait. Nous croyons, à ce moment-là, qu'il n'y avait aucune différence, car May, de toute façon, héritait du cottage et de quelques centaines de livres. Personne ne nous a jamais parlé de l'existence du collier. Monsieur Waynes et moi étions tenus à une discrétion absolue. D'ailleurs, au moment de l'affaire Legge, nous nous trouvions tous les deux à Godalming, occupés à régler la succession d'une cliente commune, Lady Parkstone. À notre retour, une semaine après, votre mariage était un fait accompli. Nous étions certains que Miss May était au courant du secret familial, mais nous croyions, d'après votre train de vie, que vous aviez pris la résolution sage et modeste de suivre l'exemple de vos aînés. Je ne vous cacherai pas que j'étais un peu blessé de constater que vous ne faisiez pas suffisamment confiance à la National Provincial Bank Limited et ne déposiez pas votre trésor dans nos coffres-forts. Mais c'était chez moi un point d'honneur de ne pas vous en parler. Que ne l'avez-vous dit plus tôt, Monsieur Price? Cela n'aurait pas ressuscité Miss Legge, ni rendu le collier, dit Jim. Deux faits sont hors de doute. D'une part, May ne connaissait pas le secret du collier. D'autre part, des gens sans aveu l'ont appris d'une façon quelconque et ont perpétré le vol et l'assassinat. Miss Legge a été poignardée, n'est-ce pas? Oui, avec une arme qu'on n'a pas retrouvée. Une espèce de couteau poignard. Comme Miss Bell. Vous voulez dire que les deux assassinats ont été commis par la même personne et que le meurtre de Miss Legge, celui de Miss Bell, celui probablement de Miss Smith, les événements mystérieux dans l'appartement de cette dernière, et enfin l'enlèvement de Sir Patrick Hornsby et des autres collectionneurs, ont été exécutés par la même bande de criminels. Le banquier Price regardait Jim avec une certaine admiration. « Savez-vous, dit-il lentement, que le capital de Sir Patrick Hornsby, ou plutôt celui de sa femme, mais c'est tout un, car ils se sont mariés sous le régime de la communauté des biens, a été retiré de sa banque presque entièrement dans le courant des derniers mois, de même que celui de Miss Smith. Dans ce cas, la fortune de Lady Gwendoline n'existe plus, mais ses créanciers ne le savent pas encore. À l'origine de cette série de crimes à transformation, déclara Jim, il doit y avoir un cerveau. Quand nous saurons le nom du médecin de Miss Sarah Smith, nous aurons la clé du mystère. Sa main, machinalement, sur la feuille du buvard rose qui couvrait le bureau du chef constable, esquissait du crayon une triple rangée de perles sur un cou gracile et penché. Une flèche, où était-ce un poignard, ensanglantait la peau blanche de la jeune mariée. « Moi, qui avais la nostalgie des aventures, murmura-t-il, je suis bien servi. »